Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. En décembre 1982, Pierre Cipriot présentait un livre des voix consacré au dernier roman de Bernard Privat, L'Itinéraire. Neveu de Bernard Grasset, Bernard Privat avait repris les éditions Grasset en 1954, qu'il avait dirigé jusqu'en 1981. Il avait obtenu le prix Femina pour son roman Au pied du mur en 1959, puis publié Une nuit sans sommeil, puis La jeune fille et donc L'Itinéraire en 1982. L'Itinéraire, une marche, un trajet à travers la ville et la vie, promenade physique, itinéraire sentimental, où se mêlaient personnages de fiction et personnes bien réelles, telles Blaise Cendrars. Une émission de Jean-Jacques Vierne, aujourd'hui, et un roman de Bernard Privat, L'Itinéraire. L'art du romancier est de prendre son personnage dans la foule, le faire gesticuler avec cette foule, puis l'isoler et le montrer grossi dans les détails de sa vie, et le suivre dans l'intimité de son existence. Bernard Privat, prix Femina 1959 pour Au pied du mur, et qui fut pendant 30 ans le directeur des éditions Grasset, avant d'être président du conseil littéraire chez Jean-Claude Lattès, excelle à ce genre. Dans l'inextricable fouillis des individus, trouver celui qui peut provoquer chez le lecteur sinon une affection, au moins un intérêt, car ce personnage représente le mieux les dispositions, les désirs vagues du plus grand nombre d'entre nous. Dans L'Itinéraire, un homme refait dans Paris les stations de son amour pour Agnès. Cet homme n'est plus jeune, elle lui a échappé parce qu'il a perdu sa trace et parce qu'entre eux, il y a eu sans cesse incommunicabilité. Peut-être parce qu'elle lui a échappé dans son existence logique, il sent cet homme Agnès plus vulnérable que d'autres et il essaie de reconstituer ce qu'a pu être la vie de cette femme. Il veut délivrer l'être profond d'une jeune femme qui lui a paru prisonnière de lui et de sa façon de voir le monde. N'a-t-il pas étouffé la vraie Agnès et Agnès qui est-elle? Au fond, cet homme tente de justifier Agnès qui l'a trahi en le quittant. Elle ne pouvait faire autrement étant ce qu'elle était, étant ce qu'il était. Ce roman du souvenir est saturé de plaisirs inaccomplis et de remords d'autant plus lourds qu'ils sont flous. Que reste-t-il d'Agnès? Une coiffure, une fille qui s'efforçait d'apprendre l'anglais et réussissait mal, une petite voiture à la porte toujours bloquée, une fille qui refusait les bijoux mais qui aimait l'ameublement bon chic, bon genre. Bernard Privat a écrit un de ses beaux livres, berçant et serein, dans la passion, comme on en écrivait il y a une cinquantaine d'années. Avec l'âge, les menus faits de la vie m'intéressent chaque jour davantage. C'est rien, petit bonheur que la vie nous propose comme tout ce qui est sans prix, gratuitement. Grâce à eux, le monde semble s'agrandir autour de nous. Nous devinons ses lointains, encore imprécis. Nos oreilles perçoivent ses secrets, à peine formulés. Il n'est que de sortir de chez soi, de soi, s'avancer au petit bonheur, au petit malheur, à l'aventure. Monsieur Bernard Privat, voici L'Itinéraire. C'est un roman. Mais est-ce vraiment un roman? Bon, c'est un roman dans la mesure où le narrateur est un personnage imaginaire. Mais on a un peu l'impression, à le lire, qu'il s'agit plus d'une confidence personnelle. C'est à peine un roman, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toute une partie personnelle, et vraie d'ailleurs, tout un des tas de détails qui sont vécus, qui sont vrais. Et puis il y a une partie qui est imaginée, ou en tout cas reconstituée. Ça ressemble un peu à ces livres de Chardon, faisait des livres comme ça, où il était dedans, puis il arrivait à mêler un élément fiction, mais fiction composée, si vous voulez. Mais pour tout le reste, tous les détails, les promenades en Paris, tout ça, c'est des choses réellement que j'ai vues, enfin, qui m'ont frappé, en tout cas. Absolument. Alors, l'itinéraire, ça donne l'idée, justement, d'une marche, n'est-ce pas, d'un trajet que fait le personnage à la fois à travers Paris, mais aussi un peu à travers sa vie. Et à travers sa vie, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas de moi le titre, j'avais pas trouvé de titre, et je trouve que c'est un bon titre, parce que ça couvre évidemment à la fois la promenade physique et l'itinéraire sentimental ou souvenir, enfin. C'est ça. Oui, il y a un côté piéton de Paris. Là, et tout le monde l'a noté. Je pense un petit peu à Fargue, pas dans le style. Parce c'est que un c'est grand éloge. Votre style est votre style, mais enfin, effectivement, il y a ce côté piéton de Paris. Très souvent, il y a très nombreuses pages où vous décrivez avec beaucoup de sensibilité des coins qui nous sont familiers, qui deviennent soudain originaux sous vos yeux. Oui, c'est ça. Il y a quand même un mystère à Paris. Si on veut vraiment se promener et regarder d'une certaine manière, c'est une ville extraordinaire, faut dire. C'est une ville pleine de différences, pleine de quartiers différents, de villages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, non seulement c'est différent au point de vue architecture, la quartier de la Bastille ne ressemble pas à la quartier de la Place Vendôme, mais c'est différent au point de vue personne. Si vous êtes dans un bistrot de Vaugirard, c'est pas du tout la même chose qu'un bistrot de Montmartre. Il y a vraiment une faune, c'est pour ça que c'est dommage de ne pas garder cette espèce de variété, que tous les étrangers remarquent ça. C'est une chose qui remarque beaucoup, ça, que Paris est une ville très, très, très variée au point de vue atmosphère, climat. Et ça se fait très lentement, ça ne s'improvise pas. Il faut longtemps pour faire la musique d'une rue. Certains soirs, Agnès, le ciel sur les trottoirs a la couleur des yeux en larmes. Le couchant glisse dans la transparence dorée d'abord, puis mauve et grise et tendre d'un monde sans mémoire avant la nuit. Ces soirs-là, je marche plus lentement. Je te sens à mes côtés. Ce sont des soirs qui te ressemblent. Les façades s'offrent par leurs fenêtres à la fuite du jour, tandis que les enfants se livrent jusqu'à l'épuisement à des jeux fous et sans doute interdits, et que les femmes se laissent enlacer et conduire jusqu'à de lointaines banlieues, pendant que la terre tourne lentement au milieu des premières étoiles, je me demande, ce soir, Agnès, te souviens-tu seulement de mon nom? À quoi bon cette question? Chacun sait que ça fait toujours un peu mal de revenir sur son passé. J'ai eu mes instants de bonheur. Ce n'est pas le sort de tout le monde. Je dois m'en féliciter. D'où vient alors que j'ai la gorge si serrée tout à coup? Les chagrins d'amour seraient-ils comme les rosiers? Auraient-ils plusieurs floraisons? Je fais partie de cette race d'individus auxquels la vie n'a pas su imposer une ligne très précise. Elle m'a donné des choses auxquelles je ne m'attendais pas. D'autres, au contraire, plus communément réparties, m'ont fait défaut. Ainsi, je me défends mal contre le malheur. Je m'y abandonne trop facilement afin de m'épargner des efforts inutiles. On le voit, je suis également d'une certaine indolence. Je suis venu au jour dépourvu d'armes contre les petits combats de l'existence qui en profitent pour se jouer de moi. Au fond, je dois manquer de maturité. Quand il s'agit d'enfants, j'entends dire qu'ils ne sont pas tout à fait finis. Existe-t-il un terme correspondant pour adultes? Il me conviendrait. Cela ne m'empêche pas de considérer que la vie est pleine de miracles. C'est une opinion qui n'est pas non plus très répandue et qui pourrait faire croire que je cherche à me singulariser. Pourtant, à quoi tiennent les rencontres? On perdrait son temps à les susciter. Une stratégie amoureuse à la Stendhal me ferait peur. Je ne saurais que faire de victoires minutieusement et froidement préparées. On ne se change pas. Je me fie au destin sans en rien attendre, m'émerveillant seulement de ce qu'il m'offre de temps en temps et que je suis trop maladroit parfois pour saisir. En dehors de cet aspect itinérant, promenade dans des lieux et au milieu de personnages, il y a, votre roman débute, il y a d'assez nombreuses pages qui sont consacrées à un couple qui semble avoir été de vos amis proches, Blaise Sandrars et sa femme. Oui. Raymond. Oui, c'est-à-dire j'ai été passé un mois et demi ou deux mois chez eux. Ils habitaient à ce moment-là, d'ailleurs, près de la Santé. Et c'est deux personnages tout à fait extraordinaires. Parce que Raymond est un personnage très poétique, extrêmement poétique. Et vous savez qu'ils se sont connus en 1917. Ça a duré depuis 1917. Et que là, j'ai connu Sandrars, moi, avant qu'il ne soit vraiment malade. Mais quand j'étais là, dans cette maison près de la Santé, il était vraiment malade, il ne bougeait presque pas. Mais c'était un personnage merveilleux. On avait vraiment l'impression qu'il était retiré d'un port. Enfin, mais on entendait encore les bruits, les vagues, on entendait les bateaux qui partaient, mais qui ne prenaient pas. Il y avait quelque chose de terriblement émouvant là-dedans, parce que c'était un homme, pas du tout un homme de lettres. J'en ai tellement connu d'hommes de lettres que je sais ce que c'est. Un homme très physique. Oh, très physique, puis alors tout à fait enfin, détaché. Très poétique, oh, oui, très poétique. Grand poète. Et tout à fait détaché des conventions, de l'académie, tout ça. C'était vraiment l'homme indépendant. Et pas qu'à New York. Il a fait de très très belles choses, des choses étonnantes. D'ailleurs, qui maintenant, curieusement, reprennent une actualité auprès des jeunes. J'étais frappé de voir combien de types jeunes m'ont dit « Ah, mais Sandrars, pour nous, c'est très important. » Et alors, là, j'ai choisi un certain nombre d'extraits. Oui. Je ne vous cache pas que je me suis plus particulièrement intéressé dans mon choix à l'histoire d'amour que sous-tend votre roman. Oui. C'est l'histoire d'Agnès. C'est un peu un guide, si vous voulez. C'est le guide c'est avec du elle, voyage. C'est hein. avec c'est elle qu'il a voyagé toute beaucoup. Toute proportion gardée, c'est un peu la Nadja de, ouais, de Breton. Je ne dis pas absolument. Du tout, je ne compare à Breton. Qui j'y ai pensé. Ah bon, c'est parce que Breton, c'est un Nadja, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un peu ça, si vous elle voulez. Avait pour il y a le parallélisme. Elle avait pour vous, en tout cas pour le narrateur, ce côté magique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça, la magie, c'est une chose que j'attache beaucoup d'importance. Parce qu'il y a des œuvres qui sont... En peinture, c'est pareil, il y a des tableaux magiques. Et des œuvres magiques. Qui sont d'une nature particulière. Quoi. C'est pas le fantastique exactement, c'est la magie. Ouais, c'est ça. Alors elle, c'est une journaliste. Il semble tout de même qu'il ait joué un peu à son égard le rôle d'un Pygmalion sur un certain point. Un Pygmalion pour lui montrer les choses. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est quelqu'un qui cherchait. Elle a vu les choses. Ouais. Peut-être avec d'autres yeux. Voilà. Les aurait vus s'il n'y avait pas eu lui. D'autres yeux. Et moi, l'autre narrateur les voyait avec d'autres yeux également. C'est ça qui est la magie finalement. C'est deux regards qui se répondent et qui se complètent et qui se découvrent. Enfin, qui découvrent les choses d'une certaine manière. Tout seul, on découvre beaucoup mieux les choses à deux que seul. Il y a des choses que personne ne m'avait fait connaître avant toi. Il ne s'agissait pas seulement des beautés d'une ville dont nous faisions l'inventaire. Maisons, ponts, ici et là, jardins et statues, mais de celles plus secrètes de certains ciels, de certains paysages, de leur recueillement, d'un arbre au tournant de la route, d'une fumée, la dernière à s'élever d'un hameau abandonné, tu te souviens? 4 ou 5 maisons, des toits de tuiles en pente presque jusqu'au sol, serré dans un berceau d'arbres au creux d'une colline. Je n'attendais pas de reconnaissance de ta part. J'aurais seulement voulu que ces plaisirs fussent mis au compte de notre amour. Sans moi, tu ne les aurais pas connus. Sans toi, ils n'auraient pas été pour moi ce qu'ils étaient. Cela ne suffisait-il pas pour que nous nous enchantions à les goûter ensemble? Au lieu de répondre, tu te mettais à parler de choses et d'autres, comme si tu ne m'avais pas entendu. Tu te levais, t'approchais d'un tableau, feuilletais un magazine qui traînait sur une table. Distraitement, tu nouais un foulard autour de ton cou. Déjà, tu ne m'écoutais plus. et il me suffisait de te voir poser ta main sur la poignée de la porte sans te retourner pour comprendre combien tu trouvais longues les minutes qui te séparaient du moment où tu pourrais t'élancer seul dans l'escalier. Qui t'attendait? Où allais-tu? Je ne me serais pas risqué à te le demander. Mais mon silence trahissait ce que je m'interdisais d'exprimer. Je n'ai jamais été de ceux à qui tout est acquis d'avance, bonheur, amour, de ces hommes qui mettent leur coquetterie à se prétendre là de leur succès. Un mot malheureux de ma part et me voilà décontenancé, consterné par ma maladresse. Que je m'aventure à forcer un peu ma nature, les choses ne manquent jamais de tourner à ma confusion. Quand ce n'est pas à la révélation d'un égoïsme que je ne parviens pas toujours à confondre avec les exigences de la passion. Je me souviens du jour où, après l'avoir attendu près d'une heure, je m'étais aventuré à demander à Agnès si elle se rendait compte de ce que je pouvais éprouver en pareil cas. Je me détournais d'elle, m'attendant à un éclat auquel je me préparais à répondre avec la gravité qui convenait, quand, au contraire, à ma surprise, il se fit un silence. Je levai les yeux, elle avait éclaté de rire. Pour une fois où je suis en avance, me voilà bien récompensée. Interdit, je me rappelais que j'avais en effet retardé d'une heure notre rendez-vous. Ouais, j'étais fêchée un numéro pareil. S'était-elle exclamée en passant son bras autour de mon cou et en m'embrassant. Sans doute n'aurais-je pas gardé le souvenir de cette méprise si, à peine quelques jours après, inquiète à son tour de mon propre retard, ce n'avait pas été elle, cette fois, qui m'avait dit, avec toute la sincérité d'une petite voix déchirante d'enfant perdu. Je me demandais ce qui t'était arrivé. J'avais si peur que tu ne viennes pas. Et quand je l'avais rassurée... Il y a des jours où je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi. Tu ne me crois pas? Quand tu m'accuses ensuite de me moquer de toi, j'en pleurerai parfois. C'était dans les premiers temps de notre rencontre. Je ne savais pas encore que le bonheur est fragile et ne doit pas être soupçonné. Je l'ai appris plus tard, trop tard. Agnès n'était plus là et il me semblait qu'il n'y aurait plus de bonheur. C'est quelqu'un qui recherche une espèce de... Il est plus jeune que lui. Oui, et elle recherche une espèce de... Le père, elle n'a pas eu, et elle recherche au fond une espèce d'appui, de refuge. Et, mais en fait, elle a un peu peur de ce qu'on lui fait découvrir. Enfin, elle cherche une espèce de sécurité, au fond, c'est ça, finalement. Mmh. À la fin, elle est un peu étourdie, un peu de vertige, elle préfère quelque chose de plus solide, de plus... Mmh. Où elle ferme un peu les yeux, quoi, c'est ça. Elle a aussi un passé à oublier. Elle a un passé à oublier. Un passé pénible. Mais bien sûr, c'est justement, c'est ça, elle cherche à oublier ce passé. Et elle l'oublie d'abord. Milieu très modeste, et puis influence d'un monsieur pas très propre. Qui, dont elle garde le souvenir de façon très précis. Qui est l'amant de sa mère. Oui, qui la tripotait. Et qui en même temps la tripotait elle. C'est ça. Alors ça cherche à oublier ça. Ça pèse un peu. Ah, bien sûr, ça pèse énormément, mais ça conditionne probablement son itinéraire à elle, enfin. Pour rien au monde, je ne me serais résolu à jouer les séducteurs trop sûrs de leur pouvoir. Je m'efforçais de me prévaloir de l'honnêteté de cette attitude chaque fois que l'occasion se présentait. Mais elle haussait les épaules. Tu ne sais pas t'y prendre avec les femmes. Je m'en rends compte aujourd'hui, il y avait en elle, quand je l'ai connue, comme quelque chose de brisé, dont elle se rendait mal compte, mais qu'elle cherchait à dissimuler. La pauvreté et l'isolement de son enfance, le genre de vie qu'elle avait connu par la suite, les occasions qui lui avaient été données de plaire, lui composaient déjà à son âge un passé pour lequel elle éprouvait une sorte de méfiance. Chaque jour l'éloignait un peu davantage de ses premiers élans lorsqu'à 17 ans, elle s'était éprise pour la première fois. Il te ressemblait un peu, je veux dire... À cause de ce qu'il éprouvait pour moi. À cause de ses maladresses, de ses mots, toujours les mêmes. Je vais te dire, j'aimerais que tu le connaisses. Ça se fera peut-être un jour. Je crois qu'il a gardé un sentiment pour moi. Tu me diras ce que tu en penses. Il y a quelque temps, figure-toi, il m'a téléphoné. Il voulait me revoir. Il était à Paris, avec sa femme. Je n'ai pas voulu. Avec une petite amie. Mais avec sa femme, tu me comprends. Je lui dis que je la comprenais, oui. Son aveu me la rendait si vulnérable que le cœur me manquait pour lui demander de s'expliquer davantage. Mais j'étais incapable de la défendre contre elle-même. Elle avait choisi sa voie et ne songeait pas à revenir en arrière. On eût dit que chacun de ses traits s'offrait aux lumières d'une fête qui lui composait un masque un peu vacillant, mal assuré de lui-même, derrière lequel elle tentait de se dérober. Parfois, la surprise d'un regard, son sourire, évoquait tout à coup cette identité menacée, déjà perdue peut-être, que je rêvais de lui rendre. Dans ces moments-là, si j'essayais de me faire comprendre... Je ne sais pas comment tu me vois. C'est pour ça que moi, je n'ose rien te dire. Et pourtant je t'écoute, tu sais. Je retiens tout ce que tu me dis. Je lui répondais que ce n'était pas de ça qu'il s'agissait, ce n'était pas les paroles qui comptaient, mais justement ce qu'elle ne disait pas, ce quelque chose en elle de suspendu, d'inachevé. Et j'essayais de la convaincre que nous ne sommes jamais aussi sincères que lorsque les mots hésitent ainsi sur nos lèvres. Quelques notes, un parfum, suffisent à me replonger dans un bonheur de vivre dont la fragilité, au lieu de m'inviter à en douter, ne faisait alors qu'accentuer pour moi la réalité. C'était le tremblement de ce qui ne veut pas mourir que j'éprouvais alors. Les quais encore ensoleillés, le Louvre qui se dort et dont les fenêtres étincellent quelques minutes, l'été finissant dans la gloire du prochain automne, me font revivre d'autres fins d'été et y rêver comme si elles m'étaient rendues. Dans mon souvenir, comme autrefois, Agnès traverse le déclin de ses derniers beaux jours et son visage s'éclaire un moment de leurs rayons. J'en étais venu à penser que sans elle, ils n'eussent pas réussi à me toucher si fort. J'ai toujours aimé les longues fins de jour. Dans son studio encore inondé d'un soleil roux, la première fois qu'elle vint vers moi, nue, serrant quelques-unes de ses affaires dans ses bras au sortir de la salle de bain, les épaules un peu hautes, le cou libre, à peine gêné, son sourire m'avait suffi. Cela pouvait donc m'arriver, me disais-je. C'était une surprise à laquelle je ne m'habituais pas. Si je lui en faisais l'aveu, elle s'en étonnait, un peu émue, et se taisait. Elle ne m'avait jamais rien promis. Pourtant, quand je pense à elle, il me reste l'illusion d'une conquête et le tourment de l'avoir perdue. J'ignore ce qu'elle en pense à cette heure. Je voudrais pouvoir l'interroger. Mais... de quelle réponse ai-je encore besoin aujourd'hui? Le bonheur, c'est quelque chose de... c'est pas quelque chose de constant. Il y a des moments de bonheur, mais il n'y a pas un bonheur constant. Et le bonheur, tel qu'on le conçoit, enfin, si vous voulez, d'une façon conventionnelle, c'est un peu un sommeil, en réalité. C'est un peu un sommeil, c'est un peu un confort. Et moi, je crois qu'il faut commencer à se réveiller. Alors, elle commence peut-être à regarder ailleurs. Elle commence à regarder ailleurs. Il y a un certain Fred qui arrive dans sa vie. Un personnage, oui, qui est plein de... qui l'éblouit un peu. Son côté pourtant bien superficiel. Bien sûr, mais ce sont les apparences. Et les modernes, Fred. C'est ça. Et puis les apparences, tout ça. C'est au fond, tout ça est très lié. Moi, je crois que les apparences sont les choses les pires qui soient. Il faut se détacher des apparences, aussi bien sociales que... quotidienne. Et là, c'est vraiment l'apparence complète, l'argent, le voyage, la sécurité matérielle, et un peu même la sottise, il faut bien le dire. Fred arrive jeudi. Fred? Fred, tu sais bien, l'ami dont je t'ai parlé. Tu ne t'en seras pas souvenu, voilà tout. Il faut dire que ces derniers temps, il était en Amérique. Je t'avais dit que je lui devais beaucoup. Je suis sûre qu'il t'intéressera. Il sait des tas de langues, il a vu toutes sortes de pays. Pas tout à fait ton genre, mais tu verras. Riche, il l'est. Il n'en a pas honte, comme tous ces gens hypocrites et lâches. Il te parle de chiffres, de millions, et ça te fait tourner un peu la tête. Mais il le fait naturellement, sans tricher. Ses amis, c'est autre chose, je ne les aime pas. Toujours à se rencontrer dans les mêmes bars, les mêmes restaurants des Champs-Élysées, le Fouquet, tu vois le genre. Fred, lui, est obligé d'y donner ses rendez-vous, avec toutes sortes d'apprentis chanteurs ou musiciens, sans compter les nanas qui tournent autour de lui et le drague à qui mieux, à cause de sa maison de disques. Je t'assure, il y a de quoi se marrer. C'est pourtant pas un playboy, si tu vois ce que je veux dire. Mais il faut tout de même être juste. C'est là que j'ai fait sa connaissance, quand je faisais une enquête pour mon canard. Je ne te l'ai pas raconté? Non. Je débarquais, il a voulu savoir si je travaillais à la pige. Et il m'a dit en riant que ce n'était pas de cette façon que je ferais fortune. Au prix où j'avais vu qu'étaient les loyers dans cette putain de ville, je n'avais pas besoin de lui pour m'en rendre compte. Il s'est un peu moqué de moi. Il m'a dit « Continuez si vous avez le feu sacré ». Mais en attendant, il m'a invité à dîner. Il ne perdait pas de temps. Dis donc. Je me disais que c'était un coup de bol de rencontrer tout de suite un mec comme lui qui s'intéressait à ce que je faisais. Avec les relations qu'il avait, les portes s'ouvriraient forcément. Je voyais bien que je lui plaisais, mais pas un mot là-dessus. C'est ce que je préférais. Tu me connais, je n'aurais pas marché. Mais tout de même, c'était gentil de sa part. Alors je dis, je ne peux pas le laisser tomber. Ils ont préparé quelque chose, une surprise pour le week-end prochain, paraît-il. Avec une amie, une grande brinque, toujours à moitié droguée, qui ne me plaît pas. Lui-même n'y tient pas, d'ailleurs. On dit qu'elle lui procure des femmes. Mais je n'aime pas qu'on parle de ça, ça ne me regarde pas. Après tout, tu pourrais venir toi aussi. Mais la première fois, peut-être, il vaut mieux pas. Tu n'es pas fâchée au moins. Tout en parlant, elle avait détaillé, un à un, tous les paysages d'Italie qui ornaient les murs autour de nous. Fred m'a dit qu'il m'emmènerait à la Jamaïque. Mais l'Italie, nous irons? Qu'est-ce qui nous en empêche? Il trouvera bien une semaine. Regarde, là, devant nous, le Vésuve. Ça ne te fait pas envie? Pourquoi pas Venise? Et c'est ainsi que ce personnage que je ne devais jamais connaître entra très tôt dans notre vie. Sans doute n'était-il pas le seul ami qu'Agnès continua de voir en dehors de moi, mais son nom revenait souvent dans sa conversation. Croisière, voyage, Agnès ne lui refusait rien, toute heureuse de profiter de ses invitations. Je n'avais pas mon mot à dire. Elle m'avait précisé tout de suite. Il n'y a rien entre nous. Mais c'est bien d'avoir des amis comme ça, n'est-ce pas? Regarde tout ce que j'ai pu connaître grâce à lui. Au retour, elle me racontait comment ça s'était passé. La plupart du temps, son enthousiasme était tombé. Fred ne songeait qu'à faire la sieste et à tyranniser tout le monde pour jouer aux cartes avec lui. Elle était obligée de ne compter que sur elle. Tu vois, je m'amusais toute seule. C'était en Floride. Elle me montrait une photo d'elle, nue, au bord d'une piscine, avec un ours en peluche énorme dans ses bras. Par des amis, j'avais appris que ce Fred était très lancé dans le milieu des affaires, et de plus, très friand de conquêtes féminines. Depuis quelque temps, il sortait avec une fille très belle, une blonde, qui faisait sa fierté de Don Juan sur le retour. Et je laissais l'un ou l'autre me la décrire, une fille intelligente, souvent agressive, qui s'entendait à le faire marcher. À la vérité, on ne savait pas grand-chose sur elle, le journalisme, la mode. Ils en étaient tous un peu amoureux. Elle ne manquait pas d'ailleurs de caractère, et l'obligeait à pas mal de concessions à cause de ses sautes d'humeur, qu'elle ne lui épargnait pas. Vous les avez vus ensemble? Je répondais que je ne connaissais pas Fred. C'est dommage, une fille intéressante. Je constatais que ses amis avaient adopté Agnès. De la part de Fred, Il s'étonnait d'une pareille conquête. S'il se montrait trop curieux, Fred faisait le mystérieux et prétendait qu'ils se racontaient mutuellement leur bonne fortune, ce qui le faisait rire nerveusement. Cela ne tenait pas debout. En réalité, il mettait toute son expérience pour arriver à ses fins et une bonne dose de cynisme, car il n'ignorait pas quel gage de sécurité sa situation représentait pour une femme comme Agnès. Les paris étaient ouverts. Les gens avisés disaient que Fred avait beaucoup de patience, qu'il réussirait à cause de cela. De mon côté, je m'efforçais de croire au récit d'Agnès. Oh, si tu entendais leur conversation, les combines, la magouille, ils ne lisent rien, ne vont voir aucune exposition. Ils sont assez bêtes pour s'en vanter. Et ce mépris pour tous les ratés, les vaincus de la vie, comme si ça prouvait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire. Parfois, je pense à ma sœur, à ma mère, et je demande à Fred pourquoi il fréquente des gens pareils. Je lui dis, à la longue, ça devient écœurant. J'avais envie de lui poser la même question. Pourquoi les fréquentait-elle, elle aussi? Qu'est-ce qui l'attachait à ce Fred? Mais je me taisais, par lâcheté, parce que je savais qu'elle ne me répondrait pas. Qu'aurait-elle pu me dire de plus sur lui, qui ne m'ait déjà été dit? Bien peu de choses. Ce ne fut que beaucoup plus tard que je pus mettre un visage sur ce nom que j'entendais si souvent prononcer par Agnès et sur un ton dont l'assurance m'était parfois insupportable. J'enviais son sort. Je l'enviais et je le méprisais à la fois, peut-être parce qu'il était décidément trop riche, je n'aimais pas ça. Mais surtout, je crois, à cause de cette patience dont j'étais dépourvu et dont parlaient ses amis, ceux qui pariaient qu'il arriverait ainsi à ce qu'il voulait. Cela faisait que je le sentais toujours plus ou moins entre nous, ce qui me rendait particulièrement exigeant. Agnès ne s'était pas souciée de me le décrire. Je l'imaginais sous les traits les plus divers. Quand il me fut donné de les observer, je constatais qu'il ne ressemblait à aucun de ceux qui m'étaient venus à l'esprit. Il était assis à côté d'Agnès sur un banc de jardin, devant d'épais feuillages et des fleurs. Et à côté de lui, bruni par le soleil, les cheveux plus blonds, elle avait ce visage très calme, à la fois heureux et lointain, que je lui découvrais parfois en rêve, et qui n'était pas celui que je lui connaissais dans la vie. Il me semble que c'est ce visage-là qu'elle avait la dernière fois où je la vis, un visage qui n'était pas tout à fait le sien, mais je ne suis pas sûr de ne pas m'en persuader après coup. Elle va donc tromper le narrateur avec ce Fred. Et du côté du narrateur, il y a là une véritable douleur. Et oui, parce que c'est une image finalement qui s'efface. Enfin, parce que ça devient une image après ça. Oui. Et il souffre. Il souffre de cette séparation. Il en souffre beaucoup. Oui. Agnès et moi étions rentrés à pied. L'un contre l'autre, comme d'habitude, nous avions gravi l'escalier de son studio, dans le parfum qui imprégnait ses murs et que je n'ai jamais senti nulle part ailleurs. Elle n'avait allumé qu'une lampe recouverte d'une étoffe indienne verte, dont la clarté donnait à la pièce on ne sait quelle étrangeté orientale. Elle n'avait jamais voulu me dire d'où elle tenait ce parfum. De grâce, d'un ami. Quand je venais la surprendre, avant de sortir, elle s'en mettait quelques gouttes derrière l'oreille. Il y avait là une sorte de rite auquel, par superstition, je n'aurais voulu pour rien au monde qu'elle se dérobe. Elle s'approchait de moi pour me le faire sentir. Sans plus y penser, elle me faisait ensuite choisir la couleur d'un foulard, le cuir d'une ceinture, une veste, un chandail, et puis renfournait presque aussitôt le tout, pêle-mêle, dans le tiroir d'une commode, pour me dire, sans aucune coquetterie, « Tu feras comme les autres, tu me prendras comme je suis. » La lumière de la lampe, près de son lit, ménageait des zones d'ombre un peu théâtrales. Elle avait passé ses bras autour de mon cou et renversé son visage. C'est à ce moment-là qu'il m'avait paru si beau. Inaccessible comme dans mes rêves. Elle m'avait demandé de l'excuser. Elle souriait de fatigue. Je ne sais pas ce que j'ai. Puis elle avait appuyé son front contre mon épaule. Je vais te laisser. Repose-toi. Cela ne t'ennuie pas? La porte du cabinet de toilette avait claqué, et une fois seule, Agnès était mise à chanter dans le bruit que faisait la douche sur les mailles de la baignoire, et mailles craquelées auxquelles la propriétaire se refusait de porter remède. En l'attendant pour qu'elle n'ait plus qu'à s'y étendre, j'avais découvert le lit. J'aimais, quand elle n'était pas là, qu'elle ne pouvait pas me voir, accomplir des gestes par lesquels j'avais l'impression de la protéger, sans qu'elle ait à s'en irriter. Tout en débordant la couverture, je me disais que je devrais prendre plus d'assurance à son égard, me débarrasser d'une timidité de coupable. À quoi cela rimait-il? Tout irait mieux ensuite entre nous. Ça ne devait pas être impossible. Il suffisait d'avoir un peu de patience, justement. On pense bien que je ne me faisais aucune illusion sur l'efficacité de mes résolutions, mais ça me réconfortait. Le cœur battant, je l'entendais derrière la cloison. Je me disais, je suis là, dans la douce lumière de cette pièce. Elle chante sous sa douche. Et cela m'attendrissait sans que je susse exactement pourquoi. Quand j'eus écarté le drap fleuri de marguerites bleues de nuit, je vis qu'il y avait été déposé un petit carré de papier pour qu'elle ait la surprise de le découvrir en se couchant. « Je t'aime. Maintenant, le reste ne compte plus. Après cette nuit, ne l'oublie plus. » Fred avait éprouvé le besoin de signer son nom en lettres majuscules pour assurer sans doute sa victoire. Maintenant, ne l'oublie plus. Je levai les yeux. Sans que je l'aie entendu sortir de la salle de bain, Agnès me regardait. Elle était à peu près nue. Je contemplais ses longues jambes encore humides, son ventre plat. Elle ne portait qu'un slip orange qui lui serrait la taille. Ses seins gardaient quelques gouttelettes d'eau qu'elle n'avait pas essuyées. Je lui tendis la feuille de papier que je tenais entre mes doigts. Pendant qu'elle lisait, je surpris un bref éclair s'allumer sur ses traits. Puis elle releva les paupières et tout à coup, une anxiété peureuse s'empara de son visage. « Je vais t'expliquer. Je ne t'ai jamais menti. » « Qu'y a-t-il à expliquer? Et qui te parle de mensonge ?» Elle agitait la tête de droite et de gauche, comme devant une décision impossible à prendre. « Jamais. Tu me crois ?» Je ne pouvais lui répondre. Il me semblait que mon corps, tout à coup, s'était vidé de paroles, de cris, de pleurs. Je me taisais et je ne bougeais pas. Oh, embrasse-moi. Tu ne vas pas m'abandonner ? Je sentais son corps tiède contre le mien. Des larmes coulaient sur son visage démaquillé. Je le regardais avec un incompréhensible détachement. Une chose me frappait. Je reconnaissais sur ses pommettes cette tache d'un rose un peu doré de fruits que j'aimais surprendre le matin quand je me penchais sur elle alors qu'elle était encore endormie. Dans la rue, je fus pris de frissons. Je ne reconnaissais pas la moindre existence aux rares passants que je croisais. Je me surpris à hâter le pas comme si j'étais attendu à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde, ça se trouva être, je ne sais au bout de combien de temps, les bords de la Seine, endormis dans le calme poisseux et désert du quai. Et ce fut seulement quand je m'accoudai au parapet du pont d'Austerlitz que je pensai de nouveau à Agnès. La Seine me parut plus large et plus noire que de coutume, mais surtout plus lente, vraiment d'une lenteur excessive pour un fleuve d'une telle réputation. C'est l'idée qui me vint. J'aurais voulu être protégé, compris, qu'on me dise, à voix lente comme le fleuve, que ce n'était rien, que j'avais rêvé. J'étais prêt à accueillir n'importe quel mensonge. Mais si j'ouvrais les yeux, il me semblait que cette lenteur, justement, se moquait de moi. Elle avait quelque chose de tellement ironique en un pareil moment. À force de me pencher, la tête me tournait un peu. On dit qu'avant de mourir, les noyés revoient en un seul instant leur vie entière. Je ne vis rien. La Seine me paraissait lasse de couler ainsi, inutilement, sous les ponts, et il était clair que je ne pouvais rien en attendre. Je ne cherchais qu'à me rappeler les paroles d'une chanson, une de ces chansons des rues, si belles, qui parlent au cœur. L'air seulement me revenait obstinément à la mémoire. Je me mis à le fredonner, faux, avec une émotion attirée des larmes. Mais le monde est vaste. Il n'y avait personne autour de moi pour s'en apercevoir. C'était Un livre des voix, une émission de Pierre Cipriot. Jean-Jacques Vierne recevait Bernard Privat pour son roman L'Itinéraire, publié chez Gallimard. Première diffusion sur France Culture, le 6 décembre 1982. Call on every soul.